56, voilà. 56, ça devrait être... Merde, 56, ça devrait aller. Si on veut mettre tout le machin, c'est bon. Voilà, on va essayer. Ok. Attention. You're in the room. cocaine. If you want to get to, you want to throw cocaine. So don't fly. Ça va peut-être pas ça. Tu l'as fait tout seul. Après. Vas-y. Okay. arriver. Ah, c'était sympa. Et Titi, il y a une chanson que j'aimerais faire. Je me rappelle plus comment ça faisait. Tu sais la faire, celle-là. Je suis pas sur mon mentalité. On te donne 3 balles. Thank you.